baisser la tête, rabaisser pour apprécier mon beat, man. Même si je parle rythme, man, j'apprécie quand même, man. Je vais où la vie me traîne, puis je sais même pas où ça mène. Je comme où ça mord, parce que j'aimais plus chou. En fait, je savais, dans ma mémoire, j'ai un trou. C'est fou, je savais où aller, quelque part de destinée. Avec le chemin, j'ai perdu le fort à cause de mon destiné. J'ai beau m'obstiner, mais je reste fixé au sol. Je me capte de pile de Tylenol, mais j'ai les jambes molles. Les jambes veulent. Pour taper sur quelqu'un fatigué, je sais, je l'ai pratiqué. Mais à place, j'ai mastiqué, j'ai masqué ma destinée. Parce que je vais plus la savoir. Trop sûr que je l'ai oublié, ben je traîne sur les trottoirs. Je trotte dans mes tiroirs pour trouver un petit quelque chose. Ça fait longtemps que je cherche, puis j'ai pas le poteau rose. Je sais que c'est point de matrice, fait que c'est sûrement d'autres choses. Si ma vie est un feu, je prends le temps de me surpose. Parce que je me décompose. C'est à cause de pression, je le sais même pas. Si au moins je savais la raison, questions seront comprises. Mais les réponses en réponse, fait que je pense. Avec les sourcils qui froncent, le coude sur le genou et le poing au menton. Trop d'interrogations, une sueur sur le front. Je vis avec des œillages comme un sourd qui pleure. J'ai perdu l'humeur à force de checker l'heure. Je veux plus respirer cet âge, je pense qu'il est assez tard. Mais dites-moi donc quoi faire avant qu'il soit trop tard. Si on me pousse, j'avance pas. Si on me tire, j'avance pas. Je bougerai pas, bougerai pas sans savoir ce qui m'attarde, ce qui m'attarde. J'ai trop eu d'erreurs à plein temps. Si on me pousse, j'avance pas. Si on me tire, j'avance pas. Je bougerai pas sans savoir ce qui m'attend, ce qui m'attend. J'ai trop eu d'erreurs à plein temps. Des fois je pense trop, j'ai des pensées qui éteignent. Dépenser une coupe de scène, en enlever une coupe de cerne. Mais boire et fumer fait juste déplacer ma peine. Ça vaut-tu vraiment la peine que je coupe pas mes veines? Carrière et profession, ça, ça l'axe est important. Mais dites-moi pour qui, ben c'est pour nos petits moments. J'en ai rien à foutre de passer un bon moment. À l'école, à ce moment, je veux pas être un monument. À l'école, on apprend, mais y'a trop de gens qui mentent. Parce que gentiment, on fait semblant d'aimer les bains. On reste avec des blancs, on paye pour, mais on le comprend. On prend des médicaments, on se pète la gueule en sang. Mes yeux regardent, mais regardent quelque chose d'absent. Descends dans un escalier roulant, puis c'est inconscient. Si ma vie est un livre, y'a 21 chapitres. C'est pas moi qui l'a écrit, puis c'est pas moi qui l'ai trouvé le titre. J'attends de trouver le punch de mon histoire. C'est le dénouement, c'est le corps, j'ai hâte de voir. On veut tous être le meilleur, le best of the best, fait qu'on nous teste. Soit on bêche ou on succès. Je veux connaître ma mission, le pourquoi de mon existence. Ça fait ado comme réflexion, mais plus ça va, plus je pense, donc je suis ce que je pense que je suis. Je sais qui je suis, ce que je pense où je suis. Si on me pousse, j'avance pas. Si on me tire, j'avance pas. Je bougerai pas, bougerai pas sans savoir ce qui m'attarde, ce qui m'attarde. J'ai trop eu d'erreurs à plein temps. Si on me